Bonjour frères et sœurs, nous sommes le 26 juillet 2018. Message intitulé Qu'est-ce que l'hypocrisie? On va voir ce que c'est que l'hypocrisie, ce que le Christ faisait en face de l'hypocrisie. Je vais faire quelques réflexions sur l'hypocrisie. Je vais donner plusieurs formes d'hypocrisie. OK, la première forme d'hypocrisie chrétienne, c'est l'hypocrisie du culte comparée à la sincérité du cœur. Jean 4, 23, Jésus a dit, L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Eh bien, ce passage n'est pas une défense d'avoir des signes extérieurs de la foi, mais un précepte contre l'hypocrisie religieuse pharisienne. Martin Luther, sa lecture de la Bible n'était qu'une recherche assidue et incessante de passages qu'il pourrait tordre et utiliser ensuite pour donner mauvaise figure à l'Église. Ainsi, Luther, à partir de ce texte mal interprété, a décrété qu'il fallait enlever tous les signes sensibles des lieux de culte. Enlever toutes les croix, enlever tous les tableaux, briser tous les vitraux, enlever même tous les chandeliers, etc. Finalement, enlever des lieux de culte tous les signes et toutes les traces même de chrétienté des lieux de culte. Mais est-ce là vraiment ce que Jésus avait dit? Ce que Jésus voulait dire en affirmant qu'il fallait adorer Dieu en esprit et en vérité était que nous devions servir Dieu de cœur, avec amour et avec sincérité, et ne pas nous contenter des apparences extérieures de la piété telles que notre présence à l'Église. Le vrai culte chrétien n'est pas une affaire du dimanche, mais une affaire de tous les jours. Le christianisme n'est pas une affaire d'apparence, mais une affaire de conscience. En bref, adorer le Père en esprit et en vérité, c'est rejeter tout ce qui porte atteinte à la franchise, à la droiture, à la loyauté, à la vérité et à la sincérité en lesquelles Dieu met son plaisir, sa faveur et son approbation. Il y a aussi l'hypocrisie qui se traduit par la sévérité. Une autre forme d'hypocrisie, voilà. L'hypocrisie dans sa forme la plus détestée par le Christ fut certainement la sévérité. L'hypocrisie est le péché que le Christ a dénoncé le plus souvent et avec le plus de sévérité. Que dis-je, il ne l'a pas seulement dénoncé, il l'a décrié et il l'a carrément frappé par interdit. En fait, dans tous les évangiles, nous voyons que le Christ a consacré une grande partie de son ministère à la condamnation de l'hypocrisie religieuse. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis proposé de faire un message sur le sujet moi-même. Matthieu 23, verset 4, « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Forme de sévérité que Christ a condamnée, et condamnée publiquement. Dom Poulet, dans son Histoire de l'Église, le tome 1, a écrit « Pélage ou Pélagius », qui est venu entre 350 et 420, est un moine ascète breton, dont les idées sur le caractère contingent de la grâce divine furent jugées hérétiques par l'Église en 418. Austère et peu mesuré, directeur de conscience rigide, Pélage n'admettait pas qu'on s'excusât de ses fautes prétextant la fragilité humaine, ni qu'on y cherchât remède dans une grâce plus forte que notre mauvaise nature, ce qui est à peu près la doctrine des témoins de Jéhovah, vous savez. Il créa un système qui, donnant un pouvoir illimité à la volonté et restreignant l'action divine à une pure intervention extérieure, laissait l'homme à ses seules forces. Le Christ était venu nous montrer un beau modèle, rien de plus. L'aide divine cesse d'être utile. Ainsi, dans l'affaire de son salut, tout était nôtre. Nous gagnions notre éternité à la force du poignet. Dieu n'intervenait que comme un guide qui nous montre la voie. Système froid et orgueilleux, stoïcisme à peine teinté de christianisme, où la rédemption n'a plus de sens ni d'utilité. Augustin combattit cette hérésie toute sa vie. Fin de citation. Mais voici en peu de mots ce que le Christ a deux endroits et que si nous les plaçons côte à côte, nous donne une image très claire de ce que nous devons faire. Laissez-les, ce sont des aveugles, et venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Frères et sœurs, laissez les pasteurs sévères et allez vers ceux qui ont un caractère semblable au Christ. L'hypocrisie revêt tellement de formes qu'on n'en finirait pas si nous voulions les relever toutes. Relevons pourtant celles que Paul relève en Romains 1 et 2 en parlant des pharisiens. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, dépourvus de miséricorde, tous des traits de leur caractère que nous pouvons facilement observer dans les évangiles. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Qui que tu sois, là, c'est-à-dire que tu sois pharisien ou chrétien. Combien de protestants se sentent tellement au-dessus des catholiques? Ils se sentent tellement au-dessus de leurs affaires. Si le protestant pêche de la même façon qu'un catholique, moi je vous le dis, il recevra la même condamnation que le catholique et vice-versa. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. L'hypocrisie, c'est condamner chez les autres des péchés que l'on commet soi-même sous une autre forme, sans le réaliser quelquefois. C'est ce que Jésus voulait dire en Luc 6, 37, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. » Car ceux qui jugent commettent souvent les mêmes péchés, mais dans un autre domaine. Combien de protestants reprochent aux catholiques des péchés qu'ils commettent eux-mêmes dans un autre contexte? Le protestant condamne le catholique comme idolâtre, puisqu'il y a des statues dans son église, alors qu'il ne voit pas l'idolâtrie qu'il porte dans son pantalon, et qui est beaucoup plus grave. Ils ont pour Dieu leur ventre, leur bas ventre. Ils auront pour fin la perdition. Il condamne le catholique comme idolâtre parce qu'il porte une croix dans leur cou, alors que lui porte son idole dans son cœur et dans son porte-monnaie, car la cupidité est une idolâtrie, et une beaucoup plus grave. Si vous avez la cupidité, vous êtes en train de servir un démon qui s'appelle Mammon. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Où penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Dieu est pas seulement amour, il est juste aussi. On entend ça souvent. Hein? Et ceux qui se plaisent à toujours utiliser ce slogan-là, eh bien, sachez qu'un jour, ça va se retourner contre vous, ce truc-là. Vous prêchez un Dieu sévère, vous aurez un Dieu sévère. Dieu jugera sévèrement le protestant qui juge le catholique sévèrement. Écrivez ça dans votre testament, mes amis, ou vos enfants vont l'écrire sur votre pierre tombale. Également, l'hypocrisie est une affectation de piété, une simulation de vertu ou de pureté que l'on n'a pas. C'est une dissimulation de sournoiserie, une méchante comédie que l'on joue par fausseté et fourberie. Le Nouveau Testament en parle suffisamment. Je n'ai pas besoin de citer beaucoup de passages. Matthieu 23, 14. « Vous faites pour l'apparence de longues prières. » 2 Timothée 3, 5. « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Romains 2, 28, 29. « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision. » Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit. Voilà encore ce que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité. Le Christ avait une solide réputation de droiture de cœur. Matthieu 22, 16. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Une autre traduction a rendu, tu ne crains personne. Une autre, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Une autre, tu ne cherches la faveur de personne. Une autre, tu ne considères pas le rang des hommes. Tu ne t'en laisses pas imposer. Tu n'attends pas leur approbation, sans regarder aux conséquences, car tu ne regardes pas à la position sociale des gens. En Marc 12, 14, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne. » La traduction Philippe se rendue, « Tu ne t'inquiètes de l'opinion humaine. » Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. La traduction Moffat a rendu, tu ne courtises la faveur d'aucun homme. La traduction Phillips, tu ne t'intéresses pas à l'approbation humaine. Luc 20, 20-21 maintenant. Dans cet évangile, nous voyons côte à côte l'hypocrisie des ennemis de Christ et sa droiture à lui. Ils se mirent à observer Jésus. Une autre traduction a rendu, surveillant une opportunité. Ils envoyèrent des gens et feignaient d'être justes. La traduction King James rendue pour lui envoyer des espions. Traduction Knox, des hommes d'intention honnête. La traduction Rieux, posant comme des hommes consciencieux. Pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles. Traduction Phillips, quelques paroles qu'il pourrait utiliser. Afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur, ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence. » Traduction King James, « Que tu ne fais exception de personne. » Une autre traduction, « Que tu ne tiens compte de la position d'aucun homme. » La traduction Weymouth, que tu ne fais aucune distinction entre un homme et un autre. Traduction Moffat, que tu ne recherches jamais la faveur humaine. Traduction Nouvelle Bible anglaise, tu ne fais aucune différence entre les hommes. Traduction Beck, tu ne montres de faveur spéciale à personne, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Traduction Nouvelle Bible anglaise, mais tu enseignes en toute honnêteté la façon de vivre que Dieu demande. Alors on voit que le caractère de Christ était parfaitement compris, vu et même admiré par ses ennemis. La réputation d'honnêteté du Christ était si fermement établie que même ses pires ennemis n'osaient pas lui imputer de mauvais motifs. Ils ne le pouvaient pas. Jésus leur avait dit « Qui de vous me convaincra de péché? » Ce qui veut dire « Qui de vous pourra me prendre en péché? » Ils ne le pouvaient pas. Ils ont bien essayé pourtant, mais ils n'ont jamais pu y arriver. L'hypocrisie est également une perfidie, une duplicité dont on se sert pour atteindre les autres et leur nuire. L'hypocrite cache la ruse et la malice de son cœur. Et mon Dieu, comme on peut observer ça souvent sur Facebook. Derrière le voile de l'anonymat, le vrai visage de l'hypocrite se montre en pleine lumière. L'hypocrite est à l'abri dans les ténèbres de l'anonymat. Mais son hypocrisie éclate en plein jour. Sur Facebook, nos paroles révèlent l'intérieur de notre cœur. Sur Facebook, l'on dit librement ce qu'on n'oserait jamais dire si l'on était en face de la personne. Psaume 11, 2. Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quelqu'un m'écrit ce qui suit un jour. L'hypocrite n'a pas la bouche sous le nez comme tout le monde. Il est incapable de parler au devant. Mais il est très capable de calomnier au dehors. Fin de citation. Ce qui est très, très vrai. Combien de chrétiens sur Facebook cachent leur vie privée, marchent d'une manière indigne du Seigneur et font les prophètes et les apôtres? L'hypocrisie est un péché que l'on cache dans les ténèbres. Voilà pourquoi le Seigneur l'a si sévèrement condamné et à la figure même des coupables. Par exemple, Luc 11, 44, 45. Malheur à vous parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas. Et sur lesquels on marche sans le savoir. Mon Dieu, on dirait presque que Facebook existait à l'époque du Christ. Elle est très, très prophétique, hein, cette parole-là. Un des docteurs de la loi prit la parole et dit « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Une autre traduction a rendu « C'est également nous que tu insultes. » L'hypocrisie porte une atteinte directe au caractère droit de Dieu, et lui est aussi un outrage. L'hypocrisie est une insulte au Seigneur, une insulte personnelle. Et c'est le péché devant lequel Dieu fait preuve d'une tolérance zéro. Matthieu 23, 3 et 4. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Une autre traduction a rendu, ne suivez pas leurs exemples, car ils disent et ne font pas. Saint Augustin a dit, prenez garde qu'en cueillant la bonne doctrine comme une fleur parmi les épines, vous ne vous laissiez écorcher la main par le mauvais exemple. Les pharisiens n'étaient que des faiseurs de sermons. Ils ne laissaient pas les gens regarder dans leur vie privée. Il était vain d'espérer trouver exemple de ce qu'ils prêchaient. Un enseignement sans exemple personnel est dénué de force. Quand un prédicateur enseigne quelque chose qu'il ne vit pas, on le ressent. Les sermons qui appesantissent le cœur viennent toujours de la chair, parce que toutes les paroles de l'esprit soulèvent au contraire les âmes et rendent légers les commandements de Dieu. L'hypocrisie est rattachée à l'orgueil quelque part. L'orgueilleux cache ses défauts, et pour ce faire, il est obligé de devenir hypocrite. L'orgueilleux est hypocrite, et l'hypocrite est orgueilleux. Il a une haute opinion de lui-même, et il est jaloux de ses belles apparences. S'il voit quelqu'un de plus saint et de plus vertueux que lui, au lieu d'en être édifié, il se sent immédiatement obligé de le dénigrer et de le rabaisser. Dénigrer une personne vertueuse revient à dénigrer l'Esprit Saint qui lui a communiqué la vertu. Et tout ça devient très, très dangereux, les amis. L'orgueil est le seul péché impardonnable, je veux dire, dans sa forme avancée meurtrière. La conversion de l'orgueil à l'humilité nécessite des années de marche avec Dieu. Tant qu'il y a un combat contre l'orgueil, le Seigneur peut faire avec. Mais l'orgueilleux, qui le devient encore davantage maintenant qu'il est dans la lumière, s'avance vers le blasphème du Saint-Esprit. Si vous combattez votre orgueil, votre salut n'est pas en danger. Mais si vous le nourrissez, vous perdrez votre âme. Le Christ face à l'hypocrisie. Le chapitre 9 de l'Évangile de Jean est très instructif sur l'hypocrisie. Je ne le lirai pas tout au complet, mais uniquement ce qui concerne notre étude. Verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Verset 7. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava, et s'en retourna, voyant clair. Certains menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. C'est douteux, ça, hein? Il s'agit-il de disciples des pharisiens qui cherchaient à dénoncer le Christ, ou de disciples anonymes du Christ qui ont amené cet homme guéri aux pharisiens, dans l'espoir qu'ils s'ouvrent les yeux, eux aussi, devant ce miracle? Eh bien non, il est quelquefois plus facile de redonner la vue à un aveugle de naissance que de redonner la vue à des aveugles volontaires et endurcis dans l'orgueil et l'hypocrisie. Versets 14 et 15. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Il leur répondit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Verset 16. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » Hey, Jésus venait de faire un peu de boue entre son pouce, son index et son majeur. Il venait de violer la loi car il avait travaillé. Quelle blague, hein? Il voulait sa peau à tout prix, ces gens-là, hein? Tous les prétextes étaient bons. « Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage », avait dit Molière. Verset 16 encore. « D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Ah, il semblerait que certains des pharisiens aient vraiment été ébranlés ici, là. Verset 26. Ils leur dirent, « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous devenir aussi ses disciples ?» Paraphraser cette dernière affirmation-là, on pourrait la rendre comme suit. Étant donné votre apparente difficulté à comprendre le miracle, devenez ses disciples et vous comprendrez tout. C'est pareil pour les protestants. Au lieu de chercher à condamner l'Église à tort et à travers, pourquoi ils ne vont pas sur le net lire le catéchisme de l'Église ou se procurer l'encyclopédie catholique sur CD et voir par eux-mêmes sur quoi l'Église s'appuie bibliquement pour croire ce qu'elle croit? Vous savez pourquoi les protestants ne le font pas, au fond? Parce qu'ils ne veulent pas savoir la vérité sur l'Église. Ils veulent seulement avoir sa peau, tout comme les pharisiens envers Jésus. Verset 28. Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. » Et ils l'injurièrent. Lorsque vous grincez des dents contre la personne qui vous renseigne sur l'Église, vous montrez que vous avez un esprit mauvais en vous, un esprit de mauvaise volonté, un esprit de haine. La haine ne veut pas connaître la vérité. La haine veut faire mourir. Point, c'est tout. Versets 29 à 33. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Cet homme a fait preuve d'une sagesse digne de celle du Christ. C'est incroyable. Il n'était même pas un disciple du Christ encore. C'est la preuve que même chez les inconvertis, il y en a qui peuvent dire des choses très, très vraies, vous savez. Ce n'est pas vrai que tous les incroyants sont méchants et méritent l'enfer après leur mort. La damnation universelle de tous ceux qui n'ont pas entendu parler de Christ est fausse. C'est une doctrine calviniste, pas une doctrine biblique. Verset 24. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Et d'autres traductions ont rendu, ils l'exclurent de la synagogue. Être exclu de la synagogue, là, ben, ça équivalait à être envoyé chez le diable. Hein. On devenait un paria devant tout le peuple. Versets 35-39. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est celui qui te parle, c'est lui. » Il lui dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans le monde pour un jugement. » Une autre traduction a rendu, « Pour qu'un tri ait lieu entre les hommes. Pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » En d'autres mots, le Christ est venu éclairer ceux qui cherchent la lumière et fermer les yeux pour toujours à ceux qui la haïssent. L'hypocrite ne cherche pas la vérité à propos de lui-même. Tous ceux qui viennent le corriger deviennent ses ennemis jurés. Ceux qui n'ont pas ce sentiment de leur pauvreté spirituelle tombent dans un aveuglement et dans un endurcissement de cœur qui, pour certains, est irrémédiable. L'hypocrite est aveugle sur lui-même. Il rejette cette lumière et ne la verra probablement jamais, même s'il lisait la Bible 1000 fois dans son coin. En venant au monde, tous les hommes sont aveugles spirituellement. Nous sommes tous des aveugles nés et avons besoin de voir la lumière pour sortir de ces ténèbres. Jésus est venu éclairer tous ceux qui cherchent la lumière et endurcir tous ceux qui la méprisent après l'avoir vue. Voilà le jugement que le Christ est venu apporter dans le monde. Et après 2000 ans, ce jugement est encore en train de s'opérer. Il s'opère à chaque génération. C'est pourquoi il est écrit en Apocalypse 22, 10 et 11, « Il me dit, le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Juste avant la seconde venue du Christ, il sera trop tard pour se convertir. Ceux qui auront préféré les ténèbres à la lumière, l'hypocrisie à la sincérité, seront perdus pour l'éternité. Le verset 40, « Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Il s'agit ici d'une parole très colérique, là. Jésus venait de mettre le doigt sur quelque chose de très sensitif. Le péché met la conscience à vif, et quand quelqu'un d'inspiré vient mettre le doigt sur un péché, la douleur que l'orgueil ressent fait bondir de colère. Le pharisien insulté par la vérité se mit en colère. Jésus faisait exprès de mettre les pharisiens en colère. La colère fait avouer à l'hypocrite de quel esprit il est animé. La colère fait tout avouer à l'hypocrite. La colère de l'hypocrite fait la preuve qu'il est sous la conviction du Saint-Esprit. Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. » Celui qui n'a pas la conscience qu'une chose est un péché, Dieu ne le lui impute pas comme péché. La culpabilité de l'homme devant Dieu est totalement relative à la connaissance qu'il a du bien et du mal. N'en déplaise à tous les légalistes, là, propres justes, extrémistes, qui se plaisent à envoyer le monde entier en enfer. Cette petite parole de Jésus à elle seule fait la preuve que la doctrine de la dépravation totale ou de la corruption totale de la doctrine de Jean Calvin est fausse. Les pharisiens aussi croyaient à la corruption totale du genre humain. Jean 7, 49, « Cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Par contre, les pharisiens, eux, étaient loin d'être aveugles. Ils ont eu le Christ devant les yeux pendant 3 ans et demi. La force de leur endurcissement était incroyable. Bossuet a écrit « Jésus est la lumière à ceux qui ouvrent les yeux pour le voir, mais à ceux qui les ferment, il est une pierre où l'on se heurte et se brise. » Il y a tel aveuglement qui est issu de l'ignorance. Lorsqu'il produit le sentiment de la pauvreté spirituelle et qu'elle est confessée au Seigneur, cet aveuglement deviendra lumière, révélation et compréhension des choses qui concernent le royaume de Dieu. Toujours au verset 41, « Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » La traduction Taylor a rendu « Votre culpabilité demeure parce que vous protestez savoir ce que vous faites. » Devant tout ça, je me dis, « Mais qu'est-ce que Dieu va faire de tous ces chrétiens qui connaissent la Bible sur le bout de leurs doigts, mais qui sont hypocrites envers eux-mêmes, envers les autres et envers Dieu, qui sont moqueurs, calomniateurs, outrageux, et qui prennent plaisir aux faux témoignages, qui sont durs, inflexibles, sans miséricorde, et n'ont en fait aucune charité. En réalité, je sais, et vous savez, ce que Dieu va faire d'eux. Au jour du jugement, ils subiront le même sort que les pharisiens antiques. » Êtes-vous certain d'être un vrai chrétien, mes amis? Êtes-vous chrétien ou êtes-vous seulement une personne d'Église? Le mode de vie du vrai chrétien est le remède à l'hypocrisie religieuse, c'est le sermon sur la montagne. Relisez ces 3 chapitres sur vos genoux et convertissez-vous de la bonne façon. Selon qu'il est écrit en Jérémie 18, 1 à 7, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. » Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Alors vous voyez, une deuxième conversion est parfois nécessaire dans la vie du chrétien, parce que la première n'a pas été faite selon les règles. Beaucoup de chrétiens ont reçu un évangile qui n'était pas complet, ou tout piqué de fausses doctrines, ou pire, ont reçu un évangile de pharisiens, tout fait d'orgueil et d'hypocrisie. Tant de chrétiens ont la haine envers ceux qui viennent les reprendre fraternellement. Tant de chrétiens ont la haine des catholiques qui ne leur ont pourtant fait aucun mal et dont le seul crime est de posséder des croyances différentes des leurs. Je vous le dis en vérité, frères et sœurs, si vous ne vous repentez de votre haine sur la terre, vous serez chassés du ciel, votre Bible à la main. Les publicains étaient des planches pourrites, on s'entend là-dessus. Les pharisiens étaient également des planches pourrites, mais recouvertes d'une peinture neuve. Cette peinture, Jésus l'a appelée hypocrisie, et non sainteté. Le publicain avait au moins la vertu d'être vrai et de ne pas cacher à Dieu ni à lui-même ses propres péchés. Il était un pécheur, il le savait et il le reconnaissait. Dieu déteste la sainteté si celle-ci n'est qu'extérieure. La sainteté intérieure commence par un réveil de l'humilité. L'humilité fait disparaître toute hypocrisie et fait disparaître cette différence entre l'intérieur et l'extérieur. Dieu ne veut pas nous terrasser, mais nous prendre la main. Les pécheurs fuient Dieu, car ils croient que Dieu désire les punir. Ils ont le complexe d'Adam, qui, après avoir péché, a eu honte et a couru se cacher de Dieu. Eh bien, l'Évangile est une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. L'hypocrite prêche un Dieu dur et en colère, ce qui fait que les gens fuient loin de ce Dieu. Le vrai chrétien prêche un Dieu doux, un Dieu d'amour, qui fait sortir les pécheurs de leur cachette et les attire vers Dieu pour leur salut. L'hypocrite porte le masque de la propre justice. Le disciple de Jésus-Christ n'a qu'une seule face. Celle que Dieu voit est la même que celle qu'il montre aux hommes. Parlons des saintes colères maintenant. L'hypocrite dit toujours de ses colères qu'elles sont saintes. Les saintes colères existent, oui, sauf qu'il faut être vraiment saint pour en avoir. Georges Courteline a écrit « Sévérité bien ordonnée commence par soi-même ». Les pasteurs ou les pseudo-prophètes, là, qui sont sévères et durs envers les gens, ne sont que des hypocrites. Personne n'a le luxe de faire le sévère quand il connaît la faiblesse de sa propre nature. Celui qui se connaît lui-même ne sera plus jamais sévère à la légère. Celui qui a une langue de fer a lui-même un rendez-vous avec la verge de fer du Seigneur. La sévérité se retournera toujours contre celui qui en aura usé injustement. Son châtiment est préparé de loin. La sévérité, sans cause, attire la malédiction. Que ce soit tôt ou que ce soit tard, une punition sévère menace le sévère. Il faut d'abord avoir maîtrisé la sainte douceur avant de faire de sainte colère. Les saintes colères ne sont permises qu'à ceux qui ont d'abord décroché un doctorat en douceur. La sévérité ne fait pas de nous un prophète. On peut même être un vrai prophète et être un vrai salaud, saviez-vous ça? J'en veux, pour exemple, le prophète Jonas. Jonas n'aimait pas la miséricorde, il aimait les châtiments. Si vous êtes vraiment prophète, prenez Jérémie pour modèle. Durant le jour, il prophétisait les invectives que Dieu lui dictait. Et durant la nuit, il se répandait en larmes et en intercession pour le peuple. Jérémie aimait profondément son peuple. Il était un père pour lui. Avez-vous un caractère semblable au sien? Le Seigneur inspire des colères justes de temps à autre. Le Seigneur inspire des colères seulement de temps à autre. On en reconnaît l'onction et on la ressent. La colère sainte survient quand le Seigneur veut punir la désacralisation d'une chose sainte, ou soit pour faire éclater la lumière et dénoncer une hypocrisie. Si vous avez un seul doute concernant le sentiment de colère qui monte en vous, alors laissez tomber. Les colères de la chair vont détruire les gens. Il est écrit en 1 Corinthiens 3:17 « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. » Alors ne courez pas le risque que la verge de Dieu se retourne contre vous. Soyez plutôt doux en tout temps. Il n'y a aucun risque à être doux. Au contraire, par la douceur, vous attirerez à vous faveur et bonheur. Concernant la douceur, si vous voulez acquérir la douceur, il vous faut avoir souffert de la sévérité des autres, premièrement. Vous prendrez conscience de sa valeur de cette façon. C'est seulement de cette façon que vous prendrez conscience de sa valeur. Deux choses donnent la douceur, l'humilité et l'amour. L'humilité en forme la base, et c'est l'amour qui en étend les branches. L'amour donne la douceur. Celui qui aime est doux. L'humilité est le commencement de l'autorité spirituelle. et l'amour en est la perfection. Ce qui fait le pasteur, c'est l'amour. Un pasteur est un homme en qui Dieu a placé un cœur de père et un amour de mère pour son assemblée. L'autorité n'est pas autoritaire. L'autorité spirituelle est dans l'amour. Pasteur, écoutez ceci. Plus vous aimerez les gens, plus votre ministère aura du succès. Et rien ne manquera dans la maison d'un pasteur qui aime ses brebis. Il sera dans l'abondance en tout temps. Je vais faire maintenant quelques réflexions sur l'hypocrisie. En matière de sainteté, l'hypocrisie n'est pas un raccourci. Faire semblant d'être saint ne rend pas saint. L'hypocrisie ne sanctifie pas. L'hypocrisie vient rarement seule, vous savez. Là où il y a l'hypocrisie, il y a généralement d'autres péchés. D'abord, il faut savoir que l'orgueil est à la base de toutes les hypocrisies. Alors, s'il faut combattre les hypocrisies, il faudra s'attaquer à leur tronc commun, qui est l'orgueil. Le propre de toutes les hypocrisies est l'orgueil spirituel, comme le propre du cœur simple est l'humilité. Les hypocrites n'ont pas la paix intérieure, et ils combattent pour que les autres ne la possèdent pas non plus. Le croyant hypocrite est foncièrement malheureux. Le masque qu'il porte est un masque de plomb. L'esprit religieux, selon l'expression chère à plusieurs, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, ensuite, se manifeste par la dureté du ton dans l'enseignement. L'hypocrisie est le désastre de la vie spirituelle. Je vous pose une question. Pourquoi est-ce que nous ne lapidons plus sous la Nouvelle Alliance? Nous ne lapidons plus sous la Nouvelle Alliance parce qu'il nous a été donné un esprit nouveau, en lieu et place de notre esprit ancien. Il nous a été donné un cœur de chair, en remplacement de notre cœur de pierre. Nous sommes devenus sensibles et capables d'exercer la miséricorde à l'égard des pécheurs. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Beaucoup de croyants ont une réelle foi en Jésus, mais n'ont pas reçu le Saint-Esprit encore, car ils ont encore un cœur de pierre. Beaucoup de ces croyants pratiquent encore la lapidation, non avec les pierres qu'ils trouvent sur le sol, mais avec celles qu'ils trouvent dans leur cœur, les pierres bibliques de la lettre. Beaucoup de ces croyants se lapident les uns les autres avec des versets bibliques. La sévérité est de l'hypocrisie déguisée en vérité. L'hypocrisie dans le ministère maintenant. Les pasteurs qui ne parlent jamais de la rigoureuse honnêteté dans les finances, méfiez-vous d'eux, ce sont probablement des voleurs d'offrandes. Ceux qui ne prêchent jamais sur la rigoureuse pureté sexuelle, méfiez-vous d'eux, ils ont probablement un problème de pornographie. Ceux qui ne parlent jamais de la rigoureuse fidélité au mariage, méfiez-vous, ils sont en train peut-être de vivre une petite affaire extra-conjugale. Vous voyez, on ne prêche jamais contre les péchés que l'on pratique. Ça devient très révélateur, hein? 1 Pierre 2, 21. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, Pierre nous donne ici 5 formes d'hypocrisie, ou 5 formes de duplicité. La malice, le dictionnaire en dit, c'est le désir de nuire à quelqu'un. Synonyme, malignité, méchanceté, saloperie. OK. Quelqu'un vous a déjà fait des saloperies dans le dos, alors vous avez été victime de malice. Le caractère chrétien contraire à la malice est la bénignité, la bonté, l'innocence, la simplicité d'intention. Rejetant toute ruse maintenant, le dictionnaire en dit, procédé habile dont on use pour tromper, artifice auquel on a recours pour résoudre habilement une difficulté, habileté à feindre pour arriver à ses fins, l'art de tromper. Les synonymes de ruse sont complot, duperie, échappatoire, embûche, feinte, fourberie, machination, perfidie, piège, sournoiserie et tromperie. Alors que le vrai caractère chrétien, c'est la candeur, la droiture, la franchise et la simplicité. La dissimulation maintenant. Tendance à dissimuler, disposition au mensonge. Action par laquelle un individu cherche à cacher, par le mensonge ou par des moyens frauduleux, un fait gênant. Les synonymes en sont le déguisement, la fausseté, la simulation et la duplicité. On y reviendra sur la duplicité. Le vrai caractère chrétien contraire à la dissimulation, c'est la confession, la déclaration, l'aveu, la sincérité, la mise au grand jour. La médisance maintenant. Le dictionnaire dit que c'est le dénigrement, la diffamation, le ragot, la dépréciation, la calomnie. La médisance est une infraction directe au 9e commandement. Tu ne rendras pas de faux témoignages. Le caractère chrétien contraire à la médisance, c'est de complimenter, faire l'éloge, louanger. Il y a du beau et du bon en chacun de nous. Majorons là-dessus, frères et sœurs, et rejetons toute espèce de mal. Revenons à la duplicité, qui est une forme aussi d'hypocrisie. Le dictionnaire en dit que la duplicité, c'est le caractère de l'être qui adopte un comportement différent de ses pensées profondes, en vue de tromper, par dissimulation. Comportement double, variant selon les circonstances. Des synonymes de duplicité sont déloyauté, dissimulation, double, fausseté, feinte, fourberie, hypocrisie, mensonge, sournoiserie et trahison. Le vrai caractère chrétien contraire à la duplicité est la droiture, la franchise, la fidélité et la loyauté. C'est l'art de contrôler sa langue en l'absence d'une personne. Parlons maintenant des différentes formes d'hypocrisie. On en a survolé plusieurs, évidemment, mais j'aimerais en voir quelques autres. Matthieu, chapitre 6, verset 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus. » C'est comme les chrétiens qui se lèvent debout à l'église, qui prient très, très, très fort pour que tout le monde les remarque. Quand on voit des chrétiens prier à tue-tête dans l'église alors que dans leur vie privée, ils prient pratiquement pas. Je dis qu'il y a là beaucoup d'hypocrisie. Matthieu 6, 1 à 2. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. Saint Augustin a écrit, « Ici, il n'est point défendu d'être vu par les hommes, mais d'agir pour être vu d'eux. Le Sauveur nous défend par là de rechercher cette récompense qui fait la joie des insensés, c'est-à-dire la vaine louange des hommes. » Matthieu 6, 16, 18. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. » Voilà enfin ce que signifie cette parole de Jésus. Il faut que celui qui adore Dieu l'adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire caché aux yeux des hommes, mais vu aux yeux de Dieu. La pratique du jeûne doit être faite avec sincérité, avec piété de cœur et cachée aux yeux des hommes. Voilà ce que signifie servir Dieu en esprit. Jésus insiste beaucoup sur le fait de fuir l'envie de montrer aux hommes notre piété. La vie en Christ est une vie cachée en Dieu. C'est le trésor caché dans un champ dont parle le Maître. L'une des hypocrisies est donc de faire ce qui est juste et bien, mais non dans le but de glorifier le Seigneur ou de lui faire plaisir, mais celui d'attirer sur soi les regards des hommes. La recherche de l'admiration des hommes révèle que la gloire de Dieu est pour nous secondaire. Résultat, nos actions bonnes deviennent des œuvres d'hypocrite. Arborer des vertus que l'on ne possède pas est de l'hypocrisie, et aborder des vertus que l'on possède réellement, mais que l'on pratique pour en être vu, est de la basse hypocrisie. Cette seconde hypocrisie attaque celle de Dieu, attaque la gloire de Dieu. Une autre forme d'hypocrisie est de feindre d'être l'ami de quelqu'un alors que l'on est son ennemi. Proverbe 41, 7, 10. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Ils l'espèrent en tout cas. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance. Voilà ce que nos ennemis souhaitent. Ils nous souhaitent la maladie, ils nous souhaitent la mort, ils nous souhaitent la honte. Quelle bassesse! Combien de femmes dans les assemblées passent leur journée au téléphone à recueillir des confidences qu'elles s'empressent ensuite de mémérer ailleurs. Lorsque vous êtes hypocrite, vous ressemblez donc à Judas. Un autre domaine d'hypocrisie? Gagner l'approbation de notre pasteur ou de nos supérieurs ou autres figures d'autorité, c'est également l'hypocrisie. Par exemple, Jean 5, 43. « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Combien de pasteurs ne vont utiliser que ceux qui sont entièrement d'accord avec lui, même s'ils n'ont aucun don, alors qu'il va rejeter celui sur qui repose la grâce de Dieu de façon évidente. Jean 5, 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Une autre traduction a rendu, qui vous distribuez la gloire les uns aux autres. Une autre traduction, vous qui mendiez votre gloire les uns aux autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. En d'autres mots, tous les efforts que l'on fait pour s'attirer les bonnes grâces et l'approbation de nos confrères est de l'hypocrisie. C'est déjà un péché de ne pas chercher l'approbation de Dieu en premier. C'est un double péché que d'y renoncer et ne chercher que celle des hommes. Nous voyons ça souvent dans les milieux des pasteurs et dans leur interagissement les uns envers les autres. Tous cherchent à paraître hommes de Dieu, tous cherchent à paraître utilisés par le Seigneur, bénis du Seigneur, tous cherchent à montrer que leur œuvre a du succès, que Dieu l'a bénie, qu'elle grandit. Quelle pauvreté! Bossuet a écrit, « Naturellement, la jalousie empêche les louanges. Elle n'en donne guère de bon cœur, mais elle en donne pour en recevoir. On flatte pour être flatté. C'est l'esprit du monde. Mais l'esprit de Jésus-Christ, c'est d'aimer mieux être haï que de se faire aimer de la sorte. » Alors, frères et sœurs, il y a matière à beaucoup s'examiner en ce domaine. Un autre domaine d'hypocrisie est le domaine de la correction. J'en ai parlé un peu au début. Matthieu 7, 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi? Eh bien, c'est par hypocrisie. Parce que réprimander l'autre nous fait paraître spirituellement plus grand que l'autre à nos propres yeux. Nous voyons ici l'orgueil qui est le motif réel de la correction. Le voilà le pourquoi. Ce genre de correction n'est que bassesse. Une autre forme d'hypocrisie, c'est la flatterie et les pièges, des questions-pièges. Matthieu 22, 17, 18, « Maître, nous savons que tu es un homme qui enseigne la voie de Dieu selon la vérité, etc. » Dis-nous donc ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de donner le tribut à César? Jésus, connaissant leurs pensées, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? » Voyez-vous, par la flatterie, on met des feuilles par-dessus le piège. L'hypocrite nous flatte pour s'insinuer comme ami dans nos affaires, pour mieux nous observer et trouver quelque chose qu'il pourrait utiliser pour nous détruire ultérieurement, s'il le peut. L'ennemi qui nous flatte est plus dangereux que celui qui nous insulte. Hein? Une autre forme d'hypocrisie est l'esprit de dispute. Lancer des versets bibliques à la figure d'un autre pour gagner un argument s'apparente à l'orgasme chez le chrétien charnel. Écraser des versets bibliques dans la figure d'un autre lui est jouissif. Même si ce croyant charnel sait que la dispute est un péché, il va continuer à le faire parce que cet esprit malin lui apporte trop de plaisir. La vérité biblique sert de prétexte à la poursuite de ce plaisir. Par le plaisir, l'homme se trahit. Celui qui est animé d'un esprit de dispute utilise la Bible qui est un ustensile pur et il en fait un instrument impur. L'appel à la paix, à la tolérance fraternelle, à l'unité, à la charité, rien n'y fait. Il aime tellement son péché que rien ne l'arrête. L'esprit de dispute colle à la peau de celui qui a pris l'habitude de se laisser utiliser par lui. Le chrétien animé d'un esprit de dispute est un chrétien religieux. Il voit la paille qui est dans l'œil de son frère et n'aperçoit pas la poutre qui est dans le sien. Pourquoi agit-il ainsi? Parce que le chrétien religieux a été mal endoctriné. Il voit comme extrêmement important les choses qui sont toutes petites aux yeux de Dieu et considère comme négligeables les choses qui le sont au plus haut point. Le chrétien religieux est celui qui coule les moucherons de l'erreur et qui néglige le chameau de l'amour de Dieu, l'amour fraternel, de l'unité chrétienne et de la tolérance. Le chrétien religieux méprise les choses que Dieu aime et aime les choses que Dieu méprise. Quand on lui parle de la bonté, de la douceur, de l'humilité, de l'unité et de la paix entre les églises, il dit que ce sont là des choses diaboliques. La tolérance des opinions de conscience, pas des compromis pour lui. L'amour fraternel, du sentimentalisme charnel. La liste n'aurait pas de fin si l'on voulait relever toutes les inversions de moucherons et de chameaux dans sa vie. Il change le bien en mal et le mal en bien. Il change les moucherons en chameaux et les chameaux en moucherons. Le chrétien religieux est un hypocrite catégorie poids lourd. Le chrétien religieux d'aujourd'hui aurait mieux aimé la compagnie des pharisiens à celle de Jésus, je vous le garantis. Je vais m'attaquer maintenant à une dernière forme d'hypocrisie. Celle-là va faire un petit peu mal à entendre. Je parle de l'hypocrisie protestante. Un protestant me dit un jour, « Indiquez-moi un passage biblique qui enseigne qu'il faille recourir au rituel pour être plus proche du Seigneur. » Je réponds, « Indique-moi un seul verset biblique qui interdise d'y recourir. » Il eut la bouche fermée. Un protestant me dit encore un autre jour, « Jocelyn, dis-moi quel rituel, à part la Sainte-Cène et le baptême, Jésus a-t-il mis en place? » Je réponds, « Il y a le pardon des péchés en son nom, le lavement des pieds, et peut-être un ou deux autres que j'oublie. » Suivant son raisonnement, là, si Jésus n'a pas établi quelque chose dans les évangiles, cette chose vient du diable. Pourtant, lorsque nous faisons l'onction d'huile pour les malades à l'Église, c'est bien un rituel que Jésus n'a pas ordonné, n'est-ce pas? Puisque c'est une prescription de l'évêque Jacques de l'Église de Jérusalem qu'il a établie. En son épître, chapitre 5, « Pourquoi Jacques prend-il la liberté d'établir un rituel que Christ n'a pas prescrit dans les évangiles? Était-il inspiré par le diable? » Le protestant accuse l'Église d'avoir établi des choses que Jésus n'a pas prescrites. Pourtant, les Églises protestantes ont établi des tas de choses que Jésus n'a pas prescrites. L'école du dimanche, est-ce que Jésus a prescrit ça? La dîme, est-ce que Jésus a prescrit ça? La prise des éléments une fois par mois, est-ce que Jésus a prescrit ça? L'ordination des femmes, les chants dans les assemblées, l'ordre dans lequel doivent se dérouler les réunions, est-ce que Jésus a parlé de ça? Le nombre de réunions par semaine, la cérémonie et les réjouissances lorsqu'une église a acquis un nouveau local, est-ce que Jésus a prescrit quelque chose comme ça? La louange durant les réunions, est-ce que Jésus en a parlé? La consécration des nouveaux-nés, est-ce que Jésus en a parlé? Les différentes formes de gouvernement que nous retrouvons dans les différentes dénominations, lorsque nous baissons la tête, fermons les yeux, lorsque nous nous agenouillons et croisons les mains pour prier, ce sont tous des rituels que Jésus n'a pas prescrits. Ils n'ont pas été ordonnés par le Seigneur dans les évangiles. Mais pourtant, nous réalisons que cela nous aide dans la prière. Il y a plusieurs autres choses semblables que nous ritualisons semaine après semaine dans les assemblées. Je pourrais continuer comme ça toute la nuit. Jésus n'a rien dit concernant toutes ces choses dans les évangiles. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont diaboliques? Voilà bien toute l'hypocrisie protestante. Elles accusent l'Église de prescrire des choses que Jésus n'a pas prescrites, alors qu'ils ont prescrit eux-mêmes des tas de choses de leur propre chef et dont Jésus n'a dit aucun mot dans les évangiles. Ils condamnent chez les catholiques ce qu'ils pratiquent eux-mêmes. Ils le font par esprit de liberté. Ils invoquent la liberté qu'ils ont en Christ pour la refuser aux autres ensuite. C'est bien pour eux que Paul a prophétisé en disant « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. » Une autre traduction a rendu « Tu es sans excuse. Tu n'as rien à dire pour ta défense. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. » Une autre traduction a rendu « Car en jugeant ton prochain, tu te condamnes automatiquement toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Une autre traduction, « Tu pratiques les mêmes choses. » Alors, mes amis, cessons d'être des hypocrites. Si les églises protestantes ont le droit d'établir des choses que Jésus n'a pas prescrites, l'Église catholique possède également ce droit. Elle a d'autant plus ce droit puisqu'elle est la première Église. Elle est l'Église que les apôtres et leurs successeurs ont fondée. Alors que les églises protestantes ont toutes été fondées par des hommes à partir du 16e siècle, et ont toutes été fondées, n'ayant aucun droit à la succession apostolique. Qu'est-ce qui nous pousse tout le temps à condamner l'Église, sinon le détestable esprit de jalousie, le désir de nuire, le désir de dénigrer, le désir de diaboliser? Ce désir de calomnier vient de l'esprit de dispute, qui est un esprit malin. Jacques 4, 1 à 3. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne possédez pas, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes dans le but de satisfaire vos passions. Voilà la stricte vérité, vue par un œil honnête. La vérité, c'est que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dieu a donné toute liberté à son Église d'établir des rituels, des fêtes, des cérémonies, des commémorations, des façons de faire les choses et d'établir tout ce qui peut aider les croyants à vivre leur foi. Attribuer aux démons des rites chrétiens est une marque d'aveuglement et de réprobation et peut-être même de damnation. Tout ce qui vient en aide à la foi et au renouvellement de notre mémoire concernant les bienfaits du Seigneur nous sont permis. Tout est permis, dit l'Écriture, pourvu que cela serve à notre édification. Conclusion, eh bien, tout rituel visible qui est une représentation d'une vérité spirituelle est une bonne chose et non une mauvaise chose. L'Écriture ne nous dit pas d'utiliser des ustensiles pour manger, mais le bon sens nous a montré que cela nous facilitait les choses. Où est-il écrit dans la Bible qu'un chrétien a le droit de s'acheter une voiture? Et où dans la Bible défend-on d'utiliser une bougie pour prier? Je suis étonné de constater que pour un grand nombre de chrétiens, la Bible est devenue comme l'arbre qui leur cache la forêt, et qu'au lieu d'être une source de sagesse, elle est devenue cause de folie et de l'abandon du simple bon sens. Même si on utilisait des bougies à l'époque où l'on pratiquait le culte des anges, est-ce que ça nous empêche d'en utiliser pour le Seigneur aujourd'hui? La Bible dit « Tout est sanctifié par la prière ». Même si Adolf Hitler conduisait une voiture, ça ne nous empêche pas d'en conduire une aujourd'hui si ça nous chante. On utilisait des clous pour la fabrication d'idoles. Est-ce que ça veut dire que nous participons au péché d'idolâtrie en réparant un truc dans la maison? Tous ces raisonnements de bigot là, ne sont qu'efforts pour diaboliser des frères et des sœurs qui appartiennent à une Église que nous détestons. Voilà la vérité. Bigoterie de chrétiens ignorants, haineux et bornés. Si on les écoutait, nous n'aurions plus le droit de bouger. Jacques 1,25. Le christianisme est une loi de liberté. Jacques 2,12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Le dictionnaire dit de la bigoterie. Se dit d'une dévotion étroite et excessive, dévotion fourvoyée dans un attachement au détail à la lettre, croyance étroite et bornée dans la religion et ses rites, synonyme hypocrisie. L'Écriture dit « Et Saül regardait David de mauvais œil ». David n'était pas mauvais, c'était l'œil de Saül qu'il était. Ceux qui voient le diable partout chez les catholiques ont l'esprit de Saül en eux, esprit de jalousie et de haine. Mais tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Il faut marcher de très longues routes pour retrouver la raison après que celle-ci ait été anéantie par des années de martelage fanatique. La grande majorité ne s'en remettront jamais. Personnellement, il m'a fallu 30 ans de protestantisme avant que le Seigneur commence à m'ouvrir les yeux. Le protestant hypocrite s'attaque aux catholiques parce que ce sont des proies faciles. Les catholiques ne se défendent pas. Pour lui, le catholique, ce n'est que de la chair à canon, un truc pour aiguiser ses dents. Mais leur lâcheté éclate en plein jour. Lorsqu'ils sont face à face avec des islamistes extrémistes, ils se font tout petits dans un coin, là. Tout petits, tout petits. Ils deviennent très polis, très conciliants tout à coup. Lancer un verset à la figure d'un catholique, c'est si facile. Mais vous ne les verrez pas faire la même chose à des musulmans, par exemple. Hypocrite. Conclusion, je vous le dis au jour du jugement. Les protestants rendront compte de toute parole vaine et de tout verset biblique qu'ils auront proféré avec arrogance à l'endroit des catholiques. Le pape François a dit « L'hypocrite peut tuer une communauté. Il parle gentiment, mais juge brutalement. Le langage de l'hypocrite est celui du diable. » Fin de citation. Oui, l'heure de la lumière arrive. Les cœurs seront révélés. Ceux qui passent maintenant pour de bons chrétiens, mais qui ont l'âme noire, seront vus sous leur vrai visage. Tous les péchés de l'hypocrisie possèdent de noires intentions. L'hypocrisie est le péché envers lequel le Christ a montré le plus de colère. À son retour, vous n'échapperez pas. Thomas Merken a écrit « Tout en nous est affreusement souillé et nous ne savons pas pleurer. » Amen.